Triste nouvelle ce matin, on a appris le décès de Derek Aucoin à l'âge de seulement 50 ans. Je vous dis tout de suite, il y aura deux blocs. Dans un premier temps, on va rejoindre celui qui l'a probablement vu une des dernières fois. Il est allé lui remettre une médaille au nom du gouvernement du Québec, Roger Brulotte. Et dans un deuxième temps, question de rendre hommage à Derek Aucoin. Ben, il avait participé à une table ronde sur la Série mondiale en 2017, donc nous allons rediffuser cette table ronde en compagnie de Bruno Boudreau. Roger, évidemment. Salut, Roger. Salut, Danny. Désolé de t'appeler dans ces conditions-là. Écoute, j'ai décidé de t'appeler parce que c'est probablement toi qui a eu qui a rentré en contact avec la famille de Derek l'an dernier dans le monde des médias. Ça s'est passé juste avant Noël. Écoute, bien juste avant Noël, le ministre et député de Terrebonne, M. Fitzgibbon, a remis la médaille de l'Assemblée nationale à Derek pour son implication dans la société, pour sa carrière comme joueur de baseball et surtout l'homme qu'il était. Et je me souviens encore, j'étais à l'extérieur de la résidence de chez lui parce que je m'en allais le voir, mais son état de santé ne lui permettait pas, il était trop fatigué. Alors j'ai jasé avec Isabelle, son épouse. Il y avait deux personnes comté, ouais. Ainsi que Benoît Rioux qui écrit son livre sur Derek, sa biographie, et mon collègue photographe qui était là, Joël Lemay. Et c'était triste, mais tellement beau. Ah, c'est c'était ça. Triste, pourquoi? Parce que tu dis à toi-même, tu viens rendre hommage à une personne que tu aimes beaucoup, mais cette personne va te quitter bientôt parce que la maladie va l'emporter. Mm. Mais Isabelle était tellement forte dans cette situation-là. Elle nous a dit, pour eux, là, cette médaille de l'Assemblée nationale, c'était comme remporter un Cy Young. Ouais. Comme titre de meilleur lanceur du baseball. C'était assez spécial. Ouais. C'était très spécial. Oui, et c'était quand même spécial pareil. On savait que c'était ces derniers jours, parce qu'Isabelle avait fait un commentaire sur les médias sociaux en disant que l'héritage qu'on va laisser à Dawson également, son garçon. Mais tu sais, son garçon, dans 10 ans, il va savoir c'est qui son père. Ouais. Présentement, il connaît son père, mais avec les années qui vont suivre, il va savoir qui était son père. Mm. Son père, un homme impliqué, un homme qui... ne craignait pas d'aider les autres. Et combien de fois que Derek, des gens défavorisés, leur arrivait avec un bat de baseball, avec des billets de baseball, avec des balles de baseball. C'était ça, Derek Aucoin. Oui. Est-ce que l'héritage aussi, c'est un homme qui parlait à tout le monde aussi? Moi, je me rappelle, je connaissais pas du tout Derek, là. Il a fait une fois une table ronde avec lui, mais sauf qu'il n'a pas hésité à dire oui, là. Donc, c'est un gars qui... J'ai l'impression, Roger, tu me corriges, je me trompe, c'est un gars qui semblait être ami avec tout le monde aussi. Mais c'est un passionné du baseball et un passionné du peuple québécois. Il faut jamais oublier dans son cas, lui, il est allé vivre à New York, mais il a quitté Montréal... Il a toujours été un Montréalais. Lorsqu'il est revenu, tout le monde dit, oh, c'est vrai, Derek est de Montréal, de Boisbriand pour être exact, mais les années qu'il a passées à New York, les Québécois ne l'ont jamais oublié. Non, effectivement. Puis il était serein dans la maladie aussi. Là. C'était un battant dans la maladie. Moi, je me rappelle, il a fait deux émissions de Victoire de l'amour où il parlait ouvertement de sa maladie. C'est un gars qui semblait avoir une foi aussi, beaucoup, une grande foi. La foi de Derek, il croyait beaucoup. Et lorsqu'on prenait des marches ensemble, on faisait notre marche autour de chez lui, il parlait au bon Dieu, il parlait de sa foi, comment est-ce qu'il avait confiance, et c'était sincère. Il ne faut pas oublier dans le cas de Derek, que lorsqu'il parlait de sa foi, c'était pour le vrai, là, c'était pour faire plaisir au monde. Il croyait beaucoup jusqu'à la fin. Et ce qui était très important pour lui, c'était de venir en aide aux gens qui étaient dans le besoin. Effectivement. Ça, il l'a toujours fait. Roger, comme joueur de baseball, Derek Aucoin s'est rendu dans le baseball majeur. Il a lancé, je pense, une manche ou deux à San Francisco. Qu'est-ce qui a manqué comme joueur de baseball pour atteindre les majeurs? On lui a pas donné la chance. OK. Il avait le talent. Oui. Mais il a pas donné la chance. Il vient pas faire à croire que chez les Expos, je l'avais dit dans le temps aussi, qu'un gars qui lance des majeurs, tu lances deux manches, un Québécois, tu sais s'il est capable de lancer des majeurs après deux manches? Non. Okay. Je pense que Derek méritait. Quand tu as 12 lanceurs au sein d'une formation, ton 12e, là, Derek aurait pu remplir ce rôle-là facilement. Yep. Tout comme Mark Griffin aurait pu jouer comme 25e joueur de l'équipe des Expos sans aucun doute. C'est probablement, encore une fois, parce que c'était des Américains qui n'avaient pas confiance aux Québécois, quoi. C'était ça un petit peu. J'ose pas embarquer dans ça. Ouais. J'ose pas embarquer dans ça, ça donne absolument rien. OK. C'est du passé, ouais. Puis pensons aux belles choses que Derek a fait. Oui. Bon, va te laisser juger ton commentaire. OK. Si tu viens d'y. Oui, OK. Derek, est-ce que, pas Derek, mais Roger, comme commentateur aussi, il avait fait le saut, il était très apprécié des gens aussi. Là. Et le plaisir que j'avais avec Derek, Puis on avait des prises de bec des fois. Il disait des choses. Qu'est-ce que t'en vas? Non, Derek, c'est correct. Qu'est-ce que comment tu luttes? Ta ligne de pensée est bonne, mais il faut que tu élabores un peu et tu vas le faire. Puis là, c'était tellement le match suivant, il le faisait. Il écoutait. Puis il n'a pas peur de dire, mais Roger, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit quand j'aimais ça, puis j'avais pas peur de laisser savoir peut-être de corriger ci ou ça. Mais il était tellement, tellement accessible. C'était sa force et un passionné. Une de nos déceptions, lui et moi, parce qu'on en a parlé pendant avant justement qu'il soit atteint de cette maudite maladie-là, le cancer au cerveau, qu'on devait faire un match ensemble. Okay. Moi, Roger, là, j'étais jeune, je t'écoutais, je lançais des mineurs, je t'écoutais. J'aimerais ça faire un match avec toi. Fait qu'à TVA, on avait fait justement les rencontres nécessaires qu'on puisse faire un match ensemble, mais la maladie ne nous a pas donné la chance parce de faire. Parce que vous étiez deux analystes, c'était ça, là, parce que c'est pour ça que... Oui, mais j'avais l'expérience d'avoir décrit des matchs pendant 20 ans aussi. Oui, c'est ça. À la radio, fait que décrire un match, c'est pas ça qui a été difficile à faire. Non, tu décrivais la 4e, 5e, 6e manche, je m'en rappellerai toujours. Bonne mémoire. Ici, il y avait de la prolongation. Dis-moi le plus grand souvenir que tu vas laisser de Derek. Dans le cas de Derek, je pense que le plus grand désir, c'est son amour et sa passion pour aider les autres. OK. Ça, c'est quand même... Et son sens du mot. OK. Il était taquineux. Ouais. Il avait un sens du mot incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Parce que c'était pas facile pour lui. Tu sais, là, j'ai vécu ça avec Will Chamberlain, qui mesurait 7 pieds et que... Des joueurs de basketball aussi. Le Canadien, Chris Boucher, qui présentait avec les Raptors. Souvent, les gens veulent se faire photographier avec la personne parce que la personne était grande. Mm. Et Derek savait... Pourquoi la photo était prise? Toi, Roger, des fois, je dis, ouais. Fait que ça allait. Ben moi, j'ai jamais eu de problème avec. Okay. À un moment donné, écoute-moi bien, je cherche la photo, je ne l'ai plus. Il y a un de mes amis qui est venu voir qu'on faisait le match des Blue Jays et nous étions, on regardait le match, lui a pris la photo d'en arrière. Mais on portait tous les deux le même veston que TVA nous avait donné. Tu avais le petit et le grand. Okay. Écoute-moi bien. Là. Quand j'ai vu Derek, je dis, Derek, je suis bien content. Derek, ouais, je m'aperçois, il dit, le veston que tu as fait là, c'est ce qui restait de mon matériel, je sais bien ça. On avait donc ce taquiné. Il était très, très taquineux et surtout respectueux. Ben Roger, moi, te souhaité quand même, dans les circonstances, une bonne et heureuse année quand même, santé. Je trouve ça triste de t'appeler dans ces circonstances-là. Puis gros merci en passant de m'avoir texté joyeux anniversaire. Je l'ai noté, puis je vais te dire une affaire, c'est une belle délicatesse de ta part. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et là, si tu m'appelles qu'on fasse des commentaires pendant sur le baseball, oui, y a ça ferait plaisir de succéder à Derek. Oui, merci okay. beaucoup. Après bye la bye. Pause, restez là. Table ronde enregistrée le 13 octobre 2017 dans le cadre de la Série mondiale avec Derek Aucoin et Bruno Boudreau. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. On rappelle évidemment le décès ce matin de Derek Aucoin à l'âge de 50 ans. Donc, le 13 octobre 2017, il avait participé à une table ronde en compagnie de Bruno Boudreau. Question de rendre hommage à Derek, on rediffuse cette table ronde. Aux Sharks de San Jose. On en parle avec une table ronde ce matin. Je suis tellement fier un matin d'avoir probablement le meilleur gars actuellement de radio de sport au Québec. Moi, je le considère, puis chez les médias sociaux, c'est pas mal partagé mon opinion. Derek Aucoin pour une première fois à DonRadioSport.com. Salut Derek! Salut, ça fait plaisir. Merci pour les bons mots, puis merci de l'invitation surtout. Et évidemment, notre collaborateur régulier, Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Avant de commencer à poser la question, est-ce que les Nationals de Washington, ça commence à ressembler aux Sharks de San Jose? Il y a une nouvelle évidemment cette semaine. Après les Blue Jays de Toronto, probablement que les Red Sox de Boston, c'est l'équipe du Québec. Même, je pourrais même dire que c'est pas mal ex aequo avec les Jays. John Farrell ne sera pas de retour. Il y avait beaucoup de pression à Boston. Derek, il y a des. Es-tu surpris vraiment, toi, de voir que John Farrell n'est pas de retour à Boston? Ça ne semble pas vraiment surprenant. Ben, écoute, c'est moins surprenant aujourd'hui dans l'ère où c'est vraiment le président de l'équipe qui gère pas mal tout. Là. Okay. Tu sais, Dave Dombrowski, on se cachera pas qu'il y a pas mal le contrôle absolu à Boston.